1, 2, 1, 2, 3, 4. Où est ta barbe, Michel? Où est ta barbe, Michel? Depuis que tu l'as rasée, on ne te reconnaît plus. Où es-tu, Michel? À la dernière sérigraphie, tu édictes des lois dont on voit le mépris. Salzman, Salzman, Salzman. Et maintenant tu vas quoi faire? Nous empêcher de faire de la sérigraphie. Oh, oh, oh, oh, yeah.